qu'il n'est pas manipulé dans sa décision. Si au niveau des archétypes, si au niveau de sa pensée, si au niveau de ce qui va structurer sa pensée, on lui envoie un peu plus de négatif sur l'enfant, eh bien, il va prétendre qu'il a bien réfléchi et qu'il ne veut pas d'enfant. Si du point de vue de la manipulation, on lui donne des mémoires de ce qu'il était lorsqu'il était jeune ou encore des films, on lui fait savourer la vision d'un film d'une mère avec son enfant d'une façon particulière, alors elle peut décider d'avoir les enfants. Mais la question, elle est relativement intéressante dans ce sens, si on n'a pas d'enfant, est-ce qu'on se suicide? C'est-à-dire que si normalement on se réincarne dans un lien familial, comme la mère et le père se réincarnent de leur vivant génétiquement dans leur enfant, si on n'a pas d'enfant, ça ne fait pas grand-chose. On peut adopter un enfant et en faire un légataire, même génétique, par cellularisation. Il va se transformer en fonction de ce que nous émettons, donc en fonction du contact qu'il aura avec nous. Et puis, de toute façon, il y aura suffisamment, il y a tellement de corps qui engendrent des corps que la mathématique permet de laisser croire, ou de toute façon, c'est ce qui va arriver mécaniquement. Cela va faire en sorte qu'il y aura en masse de l'être humain qui créeront des corps qui seront suffisamment similaires à ce que vous aurez besoin pour vous réincarner, que de toute façon, si on n'a pas d'enfant, ce n'est pas un suicide. Ça peut être un peu plus long, donc quelques heures, hein? Oui, bon. Alors, ce n'est pas un suicide. Et puis décider, ça c'est une farce. Il y a tellement de mots intéressants dans le vocabulaire de l'homme, des mots faux. Je décide, c'est un mot faux. Je décide que je fais ceci. Après ça, j'ai manqué mon coup. Vu que j'ai décidé, je suis donc un imbécile. Et la question que je pose à l'imbécile, tu aurais su, l'aurais-tu fait? Non, donc, tu n'es pas un imbécile. Alors, pourquoi je l'ai fait? C'est parce que tu es manipulé. Tort, Dieu, réveille. Je suis souvent sous l'emprise de la pensée. Donne-moi quelques trucs pour contrer cet état. Bon, elle veut que je mette dans sa pensée des formes pensées qui vont lui permettre de penser qu'elle n'est plus sous l'emprise de sa pensée. Alors, c'est assez compliqué. L'humain, ce n'est pas de la pensée. L'humain, ce n'est pas des désirs. L'humain, ce n'est pas de l'émotion. L'humain, ce n'est pas un corps. L'humain, ce n'est pas un serviteur de Dieu. L'humain, ce n'est pas un préservateur de la tradition. L'humain, c'est tout, peut-être, mais pas ça. Ça, c'est des excréments d'humain. Et on pourrait expliquer ça d'une façon cosmologique assez longuement pour que ça soit compris. Alors, quand l'humain doit se fier à plus rien, ni à la pensée, ça passe dans votre tête. Bon, c'est bien possible. Ça vous empêche de dormir, ça vous empêche d'être efficace, ça vous empêche de rire, de votre pensée vous ennuie. Votre pensée vous dynamise, elle vous donne des appétits sexuels, elle fait de vous ce qu'elle veut faire. Laissez-la donc penser. L'être humain doit commencer à un moment donné. Et la problématique de l'humain, c'est qu'il ne veut pas commencer. Il veut aboutir. Il ne veut pas commencer. Et l'humain ne veut pas commencer parce qu'il est manipulé à ne pas vouloir commencer, parce qu'il pense. Alors, on lui fait mijoter tout de suite au niveau du regard de l'ego, la réussite, le succès, l'aboutissement. L'humain frappe à une porte et à cette colle, on lui dit, tu seras immortel. Tu seras capable de duplicater ton corps physique, tu seras capable de traverser les murs, tu seras capable de te fusionner avec ton deutérique, tu seras capable d'avoir un savoir instantané. Ça va te prendre 200 ans. Travail assidu. Alors l'humain dit, hey, et voilà, les fraudeurs. Je te dis, oui, rentre dans mon école. Trouve une femme. Je vais vous éduquer. Et vous allez avoir des enfants. Et je vais les éduquer. Et vous allez mourir et je vais les éduquer. Et ils auront des enfants que je vais éduquer. Et finalement, tu vas revenir. Et tu seras éduqué. Toi, alors l'humain s'en va taper dans une autre école où on va lui dire dans 50 ans. Mais il faut que tu traces la tête. Il faut que tu colores le nombril en rose. Il faut que tu t'épiles les ongles d'orteil. Et ça coûte tant. par l'humain se disent, bon, 50 ans, c'est mieux que 200 ans. Et à un moment donné, il entend parler qu'il y en a un autre là-bas, lui, ben, il promet ça en dedans de 2 ans. 2 fois par semaine. Seulement une demi-heure. Et regardez qui a le plus de gens. On dirait des disciples. Oui, on veut. L'humain ne cherche pas à marcher. L'humain cherche à être exactement ce qu'il est ailleurs. L'humain ne veut pas évoluer. L'humain veut se reposer, évoluer. L'humain se repose, évoluer. Il veut se reposer, évoluer. Mais il ne veut pas traverser, transcender les deux étapes. Mais l'être humain, alors lui, il n'y a pas de problème. S'il faut se lever, on va se lever. S'il faut marcher, on va marcher. Ça donnait que le corps physique est habité par 2 entités. Une hautement planétaire, mémorielle, traditionnelle, qu'on appelle l'ego, qui est un virus, qui habite l'âme, qui est aussi un virus, et l'intelligence, qui se lutte à l'ego, à l'âme, aux traditions, aux passions, aux mémoires, pour posséder le corps physique, dans le but de l'animer, dans le but d'exprimer de l'intelligence dans la matière, de la lumière dans l'atome, comme on voudra, ça crée des problèmes. Alors, je suis souvent dans l'emprise de la pensée, donnez-moi quelques trucs. Je n'ai rien contre ces trucs. Il y a des façons, il y a des mécaniques. On peut les donner comme ça oralement et votre ego va les apprendre. Et les apprenants, ils vont vous jouer le jeu. Et on n'en est pas sorti. On vient d'user ces mécaniques et on vient de les détruire parce qu'on les a appris. Sans les avoir compris. Sans les avoir cellularisés, sans les avoir appris. Dans la vie, dans l'expérience, dans le vivant. L'humain, c'est autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'être humain, comme j'expliquais au début, cesse de se fier à ses mémoires, à son expérience, ne se fie plus à l'intuition, ne se fie plus à sa pensée, alors l'humain, l'ego va poser la question, à quoi dois-je me fier? Et moi, je réponds, l'humain doit se fier à lui. Mais si lui n'a pas de pensée, n'a pas d'intuition, n'a pas de religion, n'a pas de tradition, n'a pas de mémoire, n'a pas d'expérience, n'a pas de désir. Bien, il sera moins tout seul. Et c'est seulement quand on cesse de se fier à ce qu'on n'est pas, qu'on finit par devenir ce qu'on est. On ne doit pas chercher ce que nous sommes. On ne doit pas vouloir comprendre ce que nous sommes. On se plaît bien par réincarnation mémorielle 24 heures sur 24. Du moment qu'on s'est retrouvé 2 semaines après, on s'est perdu. Mais quand on va cesser de se fier à ce qu'on n'est pas, pénible, parce que tout ce qu'on n'est pas qui nous habite, qui veut continuer à nous convaincre que nous sommes cela. Entretenez votre corps physique comme vous voudrez. Veux pas, il s'en va que le temps. Entretenez votre maison, votre automobile, vos idéaux, ça s'en va avec le temps. Alors, mieux vaut travailler sur le long terme que sur le court terme. Le long terme, ce n'est pas question 50 ou 220. Le long terme, c'est beaucoup plus long. Après 80 années de vie, qu'est-ce qui reste sinon vous? Mais il aura fallu travailler sur le long terme, sur vous. Pas sur la mémoire, pas sur l'émotion, pas sur la pensée. Ça pense dans ma tête, que ça pense dans ma tête, et je m'en fous. Je veux dormir, ça ne peut pas dormir. Il faudra que je solutionne le problème. Mais tant que ça pense dans ma tête et que ça m'empêche de dormir, je suis au moins sur le bord de quelque chose qui va pouvoir me cellulariser l'idée que merde, c'est pas moi qui parle. Mais juste pour comprendre, pas pour apprendre, juste pour comprendre ça, de vivre le bavé, ça vaut la peine que je ne vous donne pas de trucs et que ça continue à vous faire penser dans votre tête. Quand ça va être sûr, vous allez voir que les trucs ils vont apparaître seuls. Ça sera des Quelle différence y a-t-il entre le rectificateur de pensée et l'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée est une forme qui date de quelques années, des années 60, qui vient des États-Unis et qui a été amenée sur le plan planétaire par un psychiatre. Il a écrit un livre très fou qui s'appelle La cosmogonie d'Urantia. Un livre à ne pas lire. On peut l'acheter, mais on ne lit pas. Trop épais. Le rectificateur de pensée est un terme plus ajusté. L'ajusteur de pensée est une mécanique qui devrait ajuster la pensée de l'humain. C'est un fait. Le rectificateur de pensée, c'est un terme qui est beaucoup plus ajusté, qui exprime la forme d'une mécanique, qui permet à l'humain de continuer à être ce qu'il est dans sa pensée, à penser qu'il pense, à voir les choses comme étant belles ou laides, selon sa programmation. Et le rectificateur de pensée a comme fonction de rectifier la pensée, c'est-à-dire que lorsque l'humain voit, je l'ai expliqué lors d'une conférence à Montréal, il y a trois ou quatre semaines, que c'était comme si on avait un filtre. Vous avez un filtre vert, un filtre rouge, un filtre mauve. Et lorsque vous voyez à travers ça, c'est vos mémoires, vos désirs, vos émotions, vos peurs, vos angoisses, vos inhibitions. Et vous voyez le monde à travers votre psychologie. Le rectificateur de pensée, lui, c'est que l'ajusteur de pensée aurait comme fonction d'éliminer un filtre. Le rectificateur de pensée, c'est une mécanique beaucoup plus proche de l'humain qui va replacer des filtres. Alors, j'ai vu du jaune, je mets du bleu et je vois du vert. Le rectificateur de pensée va placer une brique épaisse de même de jaune. Après, donc vous allez lentement, votre vert va redevenir jaunâtre. Il rectifie la pensée et il va placer des panneaux de couleurs qui vont finalement recréer le jaune. Alors, à l'origine, c'était peut-être jaune. À travers les filtres, c'est devenu quelque chose d'autre. Et le rectificateur retransmet à l'ego, ainsi qu'au plan mental, une copie beaucoup plus conforme de la réalité que ce que normalement l'humain a à travers sa vision psychologique et émotive. L'ajusteur de pensée est un phénomène qui travaille surtout à travers la parole. Donc l'ajusteur de pensée serait beaucoup plus un ajusteur de parole. La parole ajuste la pensée. L'individu qui est capable de parler et de s'écouter parler peut ajuster sa parole, donc il ajustera sa pensée. L'ajusteur de pensée est la parole. Et quand on parle juste, on instruit notre ego, on s'écoute. Le rectificateur, il travaille directement à l'intérieur de l'homme, bien avant que l'ajusteur de pensée dans l'expression parole commence à être opérationnel, et il rectifie la pensée, donnant à l'humain une vision beaucoup plus réelle de la réalité, plutôt que de lui donner une vision mensongère de la réalité qu'on appelle vérité, ou encore une vision mensongère de la vérité qu'on appelle le mensonge. C'est ça. Le rectificateur de pensée est assez sensible pour rectifier l'intuition. Oui. Sauf qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un rectificateur de pensée. C'est un contact direct avec ce que j'appelle le double éthérique, qui permet à l'intuition d'être totalement codée. Le double éthérique, c'est ce qui est créé lorsqu'il y a une fusion, une dilution, une anégoïsation, une destruction de l'ego et de l'âme. Lorsque l'ego et les mémoires volatiles, l'expérience accumulée de l'humain ainsi que les manipulations réincarnationnelles, lorsque ces mécaniques sont totalement démolies, il reste l'enveloppe de l'âme, le périsprit, et on appelle cela une âme pure. Ça veut dire qu'il y a une âme pure, donc il n'y a plus d'émotion, de mémoire, d'expérience. La perception de la conscience de l'homme à travers cette âme pure est une perception totalement réelle. Il n'y a plus de filtre coloratif. Le double éthérique est constitué à partir de la matière même qui constitue l'ego, l'expérience de l'homme, la mémoire, dans un plan qu'on appelle le plan morontiel qui se trouve entre le monde de la mort et le monde de la vie. C'est là que vont les individus qu'on peut ramener à la vie après un massage cardiaque ou des choses dans le genre et qui nous parlent du monde de la mort même s'ils ne l'ont pas vu. Et le double éthérique va être créé donc à travers un travail d'anégoïsation, donc de fonte de l'ego. Et le double éthérique, lui, va être capable, par un canal qui s'appelle l'ajusteur de pensée, de coder l'information supramentale, la coder dans un langage très particulier, la communiquer au mental de l'homme, et par le biais de l'ajusteur de pensée, l'information codée va être décodée par le centre laryngé, donc en parole, et en parole, il va être maintenant humanisé, terrestrifié, digéré, et là, les oreilles de l'ego pourront, ou les oreilles de d'autres égaux pourront maintenant assimiler l'information énergétique qu'ils ne peuvent pas assimiler s'il n'a pas été prédigéré par un ajusteur de pensée au travers d'une parole. Alors, l'intuition supramentale va être codée d'une façon particulière, décodée par l'ajusteur de pensée, et la codification supramentale au ajusteur de pensée change au fur et à mesure du déplacement de l'humain dans le temps. Alors, donc, du vieillissement ou enfin de l'évolution du temps. Ce qui fait que chaque fois que l'âme ou le peu d'âme qui reste, d'ego, expérimente le code, il essaie après ça de redonner des informations à partir du code, et comme le code a changé en haut et que le décodeur a changé en bas, son information ne passe finalement plus par la parole, donc l'humain n'est plus deux personnages qui parlent dans un haut-parleur, l'ego et l'intelligence, mais ça devient que de l'intelligence, parce qu'il y a un code ici qui me donne accès au micro, et je pèse sur 1, 2, 3, et je parle, et je pèse sur 1, 2, 3, mais c'est rendu 4, 5, 6, je pèse sur 4, 5, 6, et je parle, je pèse sur 4, 5, 6, c'est revenu 1, 3, 4. Donc, le double éthérique, par le biais de l'ajusteur de pensée, va tout à fait rectifier le phénomène de l'intuition supramentale, en permettant à la conscience de l'homme d'avoir un discernement, mais absolu, sur le savoir instantané, l'intelligence supramentale, intelligence active, comparativement à l'intelligence passive qui provient des mémoires et qu'on appelle aussi la pensée. Le double éthérique est composé de la partie de démolition de notre ego. Le double éthérique est constitué comme ceci, c'est une feuille de papier. La feuille de papier était à l'origine du bois. Alors l'arbre est maintenant du papier. Alors on peut dire que la forme exprimée par la structure atomique arbre est totalement détruite. Mais ce qui constituait l'arbre n'est pas détruit. C'est la feuille. L'âme, c'est une forme qui est constituée par de l'énergie. Il y a dans cette âme des mémoires volatiles, de l'expérience qui n'est pas immédiatement accessible à notre conscience, qu'on peut aller chercher en réfléchissant, en méditant. Et il y a l'ego qui est notre subconscient. L'ego étant un œil qui voit mais qui ne se voit pas, le subconscient, donc tout ce qui nous embête, mais qu'on n'a pas notre conscience, c'est ça, c'est l'ego, c'est le « je », le « moi ». Ce « je » et ce « moi » est constitué par une forme d'énergie exprimée dans une forme particulière, l'ego, l'âme. Lorsque cette énergie est transmuée en autre chose, il engendre une autre forme, dans un plan vibratoire inférieur au monde de la mort, supérieur au monde de la matière, qui est le plan mort au ciel, et il est donc le double éthérique qui est constitué à même ce qui constituait l'ego et l'âme, mais c'est une autre forme. Une forme qui ne peut pas contenir de mémoire, mais qui ne peut rayonner, résonner qu'à de l'instantané. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création de cet univers? Avant la création de cet univers, il y avait un super univers. C'est quoi un super univers? C'est une mécanicité qui est créationnelle, qui apparaît dans une explosion de création, la seule action qu'il y a eu lieu dans ce phénomène temporel, c'est pourquoi je parle de création. Et le super-univers est une effusion d'énergies qui sont intentionnelles et qui, à travers l'expression d'un retour sur elles-mêmes, vont engendrer la vision de ce qu'ils sont, créant le temps, créant l'espace et créant 13 dimensions. Et à travers cette effusion, ce refroidissement, ce retour sur lui-même d'une énergie intentionnelle, il y aura réaction. Et à travers la réaction, la lecture d'une réaction sur elle-même, il y a engendrement de refroidissement de plus en plus pénible, qu'on appelle la mémorisation. Et à travers la mémorisation, à un moment donné, les 13 dimensions d'un super univers finissent par être suffisamment compactes pour être incrusté, pour être conservé à travers 4 dimensions. Et ces 4 dimensions vont être ce que nous percevons comme étant la longueur, la hauteur, la largeur et le temps. Et maintenant qu'il y a 4 dimensions qui sont la constitution résumée de 13 dimensions d'un super-univers, on a donc la création d'un univers. Un univers est une mécanicité qui contient quelques galaxies, disons quelques milliards de galaxies, et chaque galaxie contient quelques dizaines de milliards à quelques milliards, dépendant des galaxies d'étoiles. Et chaque étoile n'a pas nécessairement un système planétaire en orbite autour d'elle. Et certaines étoiles sont des étoiles doubles, des étoiles triples. Certaines sont des étoiles effondrées sur elles-mêmes, des étoiles de neutrons, des trous noirs. Et il y a quelques étoiles qui ont des systèmes planétaires autour d'eux. Et sur ces systèmes planétaires, eh bien, sur certains systèmes planétaires, il y a des mécanicités qui permettent la gestion de croissance qu'on appelle la vie. Alors, avant la création de l'univers, il y avait un super univers. La question serait sans doute qu'est-ce qu'il y avait avant la création, tout court. Et ça, c'est une question qui est intéressante, que j'aborde de plus en plus à travers les conférences que je réserve à ceux qui, à un moment donné, ont été suffisamment maltraités par mon séminaire pour ne plus subir de problématiques psychologiques lorsque l'on dépasse certaines bornes. Alors, je préfère ne pas trop répondre parce que émotivement ou intuitivement, les réponses peuvent être trop colorées si les individus n'ont pas un vocabulaire suffisamment apte. Comme la majorité du vocabulaire, je l'ai inventé, ben, c'est pas question qu'on n'est pas assez instruit ou pas assez intelligent. C'est simplement que si j'invente des mots, ben, si on ne connaît pas les mots, on ne pourra pas comprendre tout à fait ce que je dis. Et normalement, ben, après le séminaire, les gens ont un peu plus de vocabulaire pour arriver à se comprendre. Parce que parler de quelque chose qui n'existe pas, mais qui est là, et qui influence ce qui existe et qui est là aussi, parler de l'extra-créationnalité, ben, à un moment donné, il y aura un paquet de mots qui n'auront aucun sens, alors finalement, on perd un peu le temps qui n'existe pas. Si tout est prévu dans cette vie, la venue du Nazaréen fut-elle une erreur, puisqu'il est venu réouvrir le canal Morontiel qui a commencé à se boucher au temps de Noé? Non, le Nazaréen, ce n'était pas une erreur. Le Nazaréen est venu ici simplement pour résorber une quantité d'énergie qui appartenait à sa gestion d'intelligence. Du point de vue extra-créationnel, l'énergie ne porte pas le nom Nazaréen, ni Jésus, ni Christ. Jésus, c'est la forme biologique d'un enfant qui a reçu le Christ, qui est de l'intelligence supramentale. Et l'alliance entre le Jésus et le Christ a donné Jésus-Christ du point de vue de la théologie. Initiatiquement et ésotériquement, le Nazaréen, celui qui était de la secte nazarienne, si vous appelez le Nazaréen. Et au-delà du phénomène cosmique, il y a un nom vibratoire qui est Michael et qui désigne beaucoup plus cette coloration de faisceau. Alors, il y a 14 faisceaux sur le plan planétaire. Michael ou le Nazaréen est venu résorber le sien. Et en même temps, il a ramené du monde de la mort ceux qui vivaient du même faisceau que lui. Tout. Il a ouvert le monde de la mort à l'intelligence supramentale, même si à l'époque de Noé. Noé, c'est un bonhomme intéressant qui a vécu en Atlantide du côté des Galapagos. Mais lorsqu'il y a eu ce blocage, on parlait des fusions, la Terre était encore en forme d'emphase d'involution et elle a commencé son ascension évolutive du point de vue supramental vers la fin du 20e siècle, du point de vue astral vers la fin de l'ère atlantéenne et du point de vue vital vers la fin de l'ère lémurienne, du point de vue matériel biologique et vers la fin de l'ère hyperboréenne. Alors, ce n'est pas un accident, c'est simplement une mécanique absolument essentielle de la gestion évolutive des choses. Et si l'on veut, chaque être humain ici est une forme de Nazaréen, mais ce n'est pas le Nazaréen, il est associé à d'autres faisceaux, comme Lazare est associé à un faisceau qui n'est pas celui du Nazaréen. La fin de la cinquième race dans 10 ans, point d'interrogation. Non, ce n'est pas la fin de la cinquième race dans 10 ans. La cinquième race, justement, la personne fait référence à la tradition ésotérique, alors elle parle donc de la cinquième race mère, qui est la race blanche. Ce n'est pas une race blanche cutanée, c'est une race blanche neuronique. Et il y aurait l'engendrement de la sixième race, une race bleue, et encore pas bleue, cutanée, qui est la race de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, que j'appelle un peu de Teflon dans ces temps-ci. Ce n'est pas dans 10 ans que la cinquième race mère, la race blanche, va s'effondrer. Non, c'est dans quelques années quand même, mais pas dans 10 ans. À quoi servirait de suivre votre séminaire s'il ne faut se fier à rien, sinon qu'à ses propres observations? Après tout ce que je vais vous avoir dit, il ne reste plus grand-chose pour vous fier. Alors, ça peut aider comme ça. Qu'est-ce que les écoles derviches ont apporté de bon pour les Occidentaux d'aujourd'hui? Il leur a montré à tourner. Est-ce que l'homme supramental a l'impression de vivre un millième, je ne sais pas si c'est un millième ou mille millièmes de seconde avant le temps planétaire? Il y en a une autre question. Bon. Les derviches sont des personnages qui ont su allier l'ésotérisme traditionnel d'une certaine époque à un contact tellurique, un contact belzébuthien, un contact vital avec l'énergie yin de la planète Terre. Il y a des derviches qui ont certaines formes d'initiation. Il y a les derviches tourneurs qui se sont fait connaître assez. Et eux essayaient au lieu de prendre de la drogue, certains derviches tourneurs en prenaient, d'autres n'en prenaient pas. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tournaient jusqu'à temps que le système des trois osselets qui permettent la connaissance de l'orientation spatiale du corps physique, c'est-à-dire savoir si on est croche, si on est droit, à force de tourner, il y a des particules à l'intérieur de ces osselets-là qui frappent des senseurs autour des osselets, et ça donne mal au cœur, ça étourdit, on ne sait plus où on en est. Alors les derviches tourneurs tournent, jusqu'à temps que tout le système d'orientation spatiale soit totalement éliminé, ce qui place la conscience, la perception de la conscience dans un monde d'euphorie différent, où les dimensions semblent s'étirer, semblent se rétrécir. Ça, c'est si tu ne mets pas à vomir avant d'en arriver là. Bon, évidemment. Alors, les derviches ont ramené un peu une forme d'entité qu'on peut retrouver à l'époque de Merlin, à l'époque de Noé, où ils travaillaient la génétique. Ils ont amené certaines choses du point de vue des races, mais ce n'est pas majeur. Une question de paix. Est-ce que l'homme supramental a l'impression de vivre un millième de seconde? Non, l'homme supramental vit dans l'instantané, sauf que celui qui est en transition peut, à un moment donné, avoir l'impression d'être 10 ans en avant de son temps. Et plus il transite, plus le temps va sembler s'étirer, c'est-à-dire qu'il aura l'impression, finalement, d'être 2000 ans avant son temps. Et il faudra qu'il s'assoie et qu'il attende, qu'il voyage dans le temps jusqu'à temps que sa conscience éclate là où il est attendu. Mais il y aura donc un phénomène d'impression, mais ce n'est pas un être humain totalement supramental, c'est un être humain qui est en supramentalisation, donc qui est en transition, et nécessairement il aura toujours l'impression d'être décalé sur son temps, un peu. Est-ce que certains Melchizedek peuvent baisser les vibrations de l'égrégore PMC actuellement, ou bien ces vibrations sont-elles baissées par des êtres spirituels en quête de sensations? Melchizedek, c'est un catalyseur d'évolution. Et si le Melchizedek est un catalyseur d'évolution, cela veut dire que la présence de cette forme d'énergie précipite la compréhension, la souffrance, ou le savoir de certains individus. La réponse est oui, dans les deux sens. La personne pose une question qui est assez, disons, dans le langage des oiseaux, là. C'est une personne qui a fait le séminaire et qui se comprend un peu. Alors, à sa question, bien oui, dans les deux sens. Il y a effectivement des énergies melchizediennes qui font en sorte de ralentir les choses. Et il y a effectivement aussi des entités plus spirituelles qui sont donc en quête d'une évolution de l'ego. Il y a la spiritualité et il y a l'espiritualité. La spiritualité devrait s'adresser à l'esprit, mais à travers la fausseté du langage, finalement, on fait de l'esprit quand on est comique. J'ai vu un esprit quand on a vu une entité ou un fantôme. Et mon, dans mon esprit, je viens d'avoir une idée, c'est dans l'âme. Et finalement, on a le spiritisme contact avec les esprits. Et on a la spiritualité qui serait l'évolution. L'esprit, ce n'est pas ça. L'esprit, c'est de l'intelligence. Et c'est pourquoi, dans mon langage, je préfère parler d'espiritualité plutôt que de spiritualité. Ça veut dire que la spiritualité, finalement, ne s'adresse plus qu'au sens, qu'à l'émotion, qu'à l'humain qui a peur, qu'à l'humain qui est rampant bien souvent, qu'à l'humain qui espère être sauvé, qu'à l'humain qui veut plaire à quelqu'un qui a la même constitution. On peut bien constater que l'homme... Est-ce que les salons de bronzage avec les radiations qu'ils dégagent, UVA, sont un moyen mis à la disposition de la masse collective pour l'intelligence cosmique pour faire évoluer ou muter ces gens? Non. Le système de bronzage a été mis sur la planète Terre dans le but de bronzer, premièrement. Et nécessairement, ça a été induit par le besoin de faire de l'argent avec l'esthétique très astrale, très émotive de l'humain. Vous êtes gros, faites de l'embonpoint, vous devriez maigrir, ça tue votre santé. Vous êtes gros, vous êtes laid, vous devriez maigrir, ça va être plus beau. Ah! Pas le bronzage, ça marche aussi. À un moment donné, qu'est-ce qui arrivait? C'est que les gens qui travaillaient dans les champs étaient bronzés. C'est donc une fameuse mode de ne jamais être bronzé. Alors les femmes surtout, qui sont très, très, très sensibles à ce genre de choses, tout à fait des gants jusqu'au coude. Des grands chapeaux, des pare-soleils, des parasols, et on se blanchissait la peau. Et à un moment donné, bien vu que le régime de pauvreté est légèrement disparu, puis finalement tout le monde devenait blanc, eh bien il fallait maintenant, pour continuer à être riche, il fallait au moins se payer un voyage dans le sud pour se brunir maintenant. Les pauvres ne peuvent pas. Alors l'hiver, les pauvres restent blancs, alors que les riches reviennent bronzés. Et étant donné que le peuple pauvre veut toujours copier l'aristocratie ou le peuple riche, eh bien, lentement, les pauvres ont commencé à aller dans le sud. Alors, on s'est dit, maintenant, si on a les UVA dans les salles, puis ça coûte de l'argent à l'année longue, bien là, la classe, on ne peut plus y payer pour se le permettre. C'est de l'astral. C'est pas ça qui fait muter l'humain. Ça fait muter sur la partie cutanée de l'homme ou de la femme en lui donnant certaines formes de cancer. Tu as parlé de pauvreté chez l'être qui se conscientise, mais il y a le temps de l'esprit pour effectuer des changements importants dans sa vie afin d'éviter la pauvreté. Quel est ce temps? Quand se produit-il? Effectivement, la majorité des gens qui se conscientisent à la longue, lentement, perdent leurs amis, perdent leur santé, perdent souvent leur argent, perdent aussi leur emploi, finalement, perdent bien les choses. Perdent des illusions, en tout cas. Et l'humain qui se conscientise pour arriver à retrouver une liberté matérielle. Pourquoi que l'humain perd cela avant de commencer? C'est simple, c'est que lorsque vous vous conscientisez, vous vous rapprochez de l'intelligence. Vous vous rapprochez de vous, d'être libre. Et tout ce qui vous esclavagit, pas intéressé ce que vous soyez n'importe. Alors, si à un moment donné, ben, on vous donne un coup de marteau sur un orteil, le temps que vous allez crier que ça fait mal, vous ne vous conscientiserez pas. Le temps que votre fils ou votre fille rentre tout à fait drogué, ou encore le temps que quelqu'un de votre famille a un accident d'automobile, ben, ça vous occupe. Conscientisez un peu moins. Alors, le temps qu'on perd lentement, la preuve que tu fais mal, c'est que plus que tu te conscientises, plus que tu as l'impression de savoir, mais plus tu perds, plus tu avais. L'ego devient insécure, l'ego travaille en Christi chez vous pour vous empêcher de continuer. Alors, c'est donc l'un des symptômes de la conscientisation. Pour éviter cela, l'humain doit s'arranger dans sa conscientisation pour s'unir avec d'autres humains dans la matière. Et lorsqu'il y aura suffisamment d'humains qui travailleront ensemble dans la matière pour créer une synergie, donc une énergisation à même l'énergie que nous sommes, cela va engendrer une énergification, une construction énergétique qui va lentement éloigner les mécanicités un peu tempérantes de l'astral, donc des forces d'involution, et l'humain va commencer à redevenir libre de la matière, ce qui fait que l'argent, enfin la matière, va commencer à tourner autour de lui. Et quand on parle de l'argent, bien l'argent c'est simplement un outil qui nous permet de nous libérer de l'esclave de qu'est l'homme par rapport à la matière. C'est donc intelligent d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas intelligent que de désirer de l'argent. Alors, il y a des mécaniques, à un moment donné, qui vont être abordées pour que l'humain puisse arriver à comprendre de quelle façon il doit se synergiser. Comment puis-je avoir un contact réel avec mon double éthérique? Premièrement, il faut avoir un double éthérique. Deuxièmement, il faut que celui-ci vous trouve assez beau pour vouloir rentrer en contact avec vous. Alors, quand on fait l'installation, ça commence. Et troisièmement, il faut que l'ego ne veuille pas avoir de contact avec le double éthérique. Autrement dit, quand l'être humain désire avoir un contact avec son double éthérique, il s'éloigne de son double éthérique. Quand l'être humain désire avoir un contact avec l'intelligence, il s'éloigne de l'intelligence. Quand l'être humain désire... Début, l'humain, l'ego va vers un contact avec quelque chose, pas l'âme. Vous n'évoluez pas pour aller rejoindre un contact. Vous allez devenir le contact planétaire de quelque chose. Vous allez devenir de l'intelligence. L'ego va vers un contact. La mémoire, le passé, tous les ancêtres qui se cumulent et qui se bousculent chez vous, eux vont vers un contact avec un monde neuf, avec de la nouveauté, avec du neuf, avec de l'intelligence. Mais l'intelligence, ce sera vous, ce sera votre parole, ce sera votre expression, votre efficacité. Ce n'est pas tout de suite d'aucune importance. Le temps. Mais l'être humain ne va pas avoir un contact. Quand à un moment donné, on dit « Comment puis-je avoir un contact avec mon double éthérique? » C'est l'ego qui pose la question. Le chien ne peut pas avoir de contact avec l'homme autre que les caresses. Ça peut être. Mais qu'un homme pour plus. Comment avoir de la... volonté face à l'émotion planétaire. Volonté, c'est un mot qui ressemble à volon... Pardon. Parce que la volonté, c'est une grosse part. Pas du mensonge que c'est aussi, c'est une illusion. Comment avoir de la volonté face à l'émotion planétaire? Il est impossible. La volonté, c'est un phénomène astral. La volonté, c'est un phénomène émotif. La volonté, c'est un phénomène d'orgueil et volonté. Est-ce que ça ressemble au désir, la volonté? Est-ce que ça ressemble au désir? Ben, c'est le camouflage total du désir. J'ai le désir de boire de l'eau. J'ai tellement le désir de boire de l'eau que finalement, je bois de l'eau. Lui, il a le désir de ne pas boire de l'eau tellement qu'il ne boit pas d'eau. Alors moi, je peux lui dire, oui, mais si tu devrais boire de l'eau, ça va te déshydrater. Il va me répondre, oh, non, non, non, non. Je lui réponds, mais voyons donc, t'as les lèvres sèches. Ah oui, mais devant le monde, Voyons donc, il faut avoir un peu plus de volonté. Lui va me dire, t'as l'air fou quand tu bois de l'eau. Le monde, il voit un grand nez. Alors il devrait me dire, tu devrais cesser de boire. Et un peu plus de volonté. Tu devrais avoir plus de volonté puis boire. Tu devrais avoir plus de volonté puis arrêter de boire. La volonté, là. Non. Alors, la volonté, c'est une farce, une connerie. La volonté, c'est de l'orgueil. Parce que moi, je veux camoufler toutes mes affaires et montrer que je suis puissant dans ce que je fais. Je suis totalement manipulé. Je ne devrais pas. Alors, je lui parle de volonté. Ceux qui ne se droguent pas, vous devriez vous droguer. Vous n'êtes pas capable. Manquez de volonté. Bon, ben, hein. Puis ceux qui se droguent, vous devriez cesser de vous droguer. Vous n'êtes pas capable. Manquez de volonté. Très simple, la volonté. Comment avoir la volonté face à l'émotion planétaire, étant donné que c'est l'émotion qui vous charrie? C'est pour ça qu'il faut faire. Il faut continuer à boire de l'eau, même si on ne veut pas, même si on trouve ça con, puis même si on en boit. Et puis on se dit, charrie le cadre. Si vous ne voulez pas être manipulé par l'émotion planétaire, ne le soyez plus. Mais si votre corps physique et votre âme continuent à être manipulés par l'émotion planétaire, c'est pour vous. Vous habitez le même corps. OK. Mais c'est pour vous. Mais c'est juste de vous identifier à ça. Vous commencez à trembler de la main. Hey, qu'est-ce que j'ai encore? Vous n'avez rien. Tremblez-vous de la tête? Vous n'avez rien. Tremblez-vous dans votre conscience? Vous n'avez rien. Le corps tremble. Pas vous. Ouais, mais c'est quand que vous vous identifiez au corps qui tremble? Oui, pas que le corps tremble. Ça le dérange, lui, que ma main tremble. Mais ça dérange pas ça, son intelligence. Ça dérange son ego. Ça peut déranger mon ego que le corps tremble. Parce que mon ego s'identifie au corps. Chacun fasse sa job. S'il veut souffrir, qu'il souffre. Et pas mon intelligence. Mon intelligence ne tremble pas, moi. Et si j'ai un mauvais corps, à faute à qui? C'est comme ça. Puis une chose certaine, c'est que je le refuse. Puis à un moment donné, il va changer. C'est tout. Alors la volonté. Tant qu'on se charrier, c'est tout. La société sera-t-elle de plus en plus réglementée à cause de la technologie qui permettra au gouvernement de contrôler totalement les individus? Ça, c'est des gens qui ont une petite mémoire, qui posent une question comme ça. Ce sont des gens qui ont une mémoire qui ne va pas bien plus loin que 200 ans. Réglementé. À l'époque féodale, c'est réglementé. À l'époque de la Révolution française, c'est réglementé. À l'époque de l'industrialisation, c'est réglementé. Mais parce que nous connaissons de plus en plus de liberté, le moindrement qu'on met une petite niaiserie chez nous, par la réglementation. Une réglementation, c'est lorsque chaque fois que vous ouvrez la bouche, que vous regardez quelqu'un, que vous seriez mal, on vous met en prison. Mais des pays sur la planète Terre sont très réglementés. Ici, les règlements, imaginez-vous bien que vous pouvez mettre l'un brûler un feu rouge, puis prétendre que c'est écrit en anglais et en français sur la pancarte, puis que c'est illégal au Québec, parce que l'affichage extérieur doit être absolument unilingue français. Alors, étant donné que la pancarte est illégale, devez-vous vous conformer à la restante? Et il y aura des délibérations, parce que là, on ne saura pas. Si on dit que vous devez vous conformer, c'est la loi qui dit l'affichage unilingue qui est pas bonne. Si on dit que vous avez raison, c'est l'obligation d'arrêter, c'est une arrestante qui devient illicite. Alors, on n'est pas si réglementé que ça. Et plus ça va aller, plus l'ego de l'homme aura peur des réglementations. Mais faites-vous-en pas, l'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Ça prédit ma prochaine question. Serait-il intelligent que les Québécois, les Français, les Belges apprennent tous à parler l'anglais afin que toute la planète utilise le même code de langage? Il faudrait aussi que les Chinois, les Russes, les Polonais, les Australiens, les Autochtones, je parle, les Pidgin-Jara, non, c'est très bien qu'il y ait une multiplicité des langues. Par contre, on devrait être capable de pour bien développer sa conscience, on devrait parler français. Quand je parle français, faut faire attention, je ne parle pas de parisien. On devrait parler l'anglais. On devrait parler le japonais. Et on devrait parler... On devrait parler le russe. Et il serait bon d'apprendre à parler l'allemand. Alors, une fois qu'on aurait ces langues... On meurt avant. Alors, une fois qu'on aurait ces langues, eh bien, lorsque l'on pose la question qui est Dieu, je réponds en russe avec les mots soviétiques. Je ne pourrai pas exprimer la même perception. Cela va donner à mon ego une vision, un angle de vue. Je réponds en japonais, j'aurai un autre angle de vue. Je réponds dans les langues de l'américain, par exemple, ou encore l'anglais de la Grande-Bretagne, du moins l'anglais, j'aurai une autre vision. Je réponds en français, j'aurai une autre vision. Et apprendre certaines formes de langues, c'est extrêmement intéressant pour cela. Mais avoir une planète qui parle qu'une seule langue, ce n'est pas nécessaire. Avoir une planète, par contre, qui communique avec une seule langue, ça peut être intéressant. De façon à ce que, du point de vue de la communication et d'efficacité, on le fasse sur une langue, c'est bien correct. Et quelle que soit la langue, ça n'a aucune importance. Mais la langue, le langage pour communiquer, pour réfléchir, pour penser, pour aimer, il y a des langues différentes. Il faudrait qu'au minimum, il y a deux langues. Une langue internationale, complètement internationale. Une langue interne, oui. Une langue interne. Le perso n'a pas marché. Ne parler qu'une seule langue... Ça y est, t'es con. Je parle avec deux langues, je ne marche pas non plus. Ne parler qu'une seule langue au niveau mondial ne revient-il pas au même que de tous se convertir au Celsius et au métrique? Non. Et oui. Si on a un langage de communication international, oui. Mais à l'interne, plusieurs langues pourraient être drôlement efficaces parce qu'il peut y avoir un langage de bataille, un langage de contact émotif, un langage d'intelligence, un langage d'affaires, un langage de gestion, comme l'informatique. À un moment donné, on travaille tout en COBOL, on travaille tout en assembleur, on travaille tout en Forge, on travaille tout d'une façon. Alors, il y a différents langages pour différentes choses. On ne peut pas prétendre qu'une langue est capable de permettre toutes les formes de communication, de toutes les conditions évolutives à l'échelle de la planète. Une langue est une forme, et la forme, à un moment donné, déforme ce que l'on veut communiquer. Alors, une langue de communication, si tu vas dans un aéroport, ça parle une langue, ça peut aller. Comme en Chine, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont différentes langues, disons, ils ont des dialectes, en Chine communiste. Le mandarin est le principal, mais il y a différentes langues. Sauf que lorsqu'ils écrivent, ils se comprennent tous, mais lorsqu'ils se parlent, ils ne se comprennent pas tous. Parce qu'un symbole, une calligraphie, peut se prononcer « front », puis l'autre se prononcera « sang ». Mais quand ils se parlent, ils ne se comprennent pas, mais quand ils écrivent « ah, front », hein, c'est simple. Ça a l'avantage des choses. Mais pour pouvoir travailler d'une façon totalement intelligente à travers toutes les facettes d'expression de l'homme, plusieurs langues sont nécessaires. Votre séminaire ressemble-t-il à un cours de croissance personnelle? Quels sont les prérequis pour le suivre? C'est beaucoup plus un cours de décroissance. Oui. Personnalisé. Et puis les critères pour le suivre, c'est s'inscrire. C'est déjà beaucoup. Lorsque le corps subit une commotion cérébrale lors d'une blessure ou d'une chute, qu'est-ce qui dirige le corps, lui qui dirige le corps lui permettant de parler et d'agir alors que tu es inconscient ou tu n'as pas la conscience ou connaissance ou encore la souvenance de ce que tu fais pendant cette période? Commotion cérébrale, c'est un choc neuronique dans la majorité des corps, alors qui justement vient d'un traumatisme habituellement causé par un coup. Un accident ou volontaire, dépendant des disciples. J'en connais qui se fait atteindre les murs pour arriver à ne pas manger un gâteau. Qu'est-ce qui dirige le corps? Il faut comprendre premièrement que le corps physique est ajusté dans son expression de pensée par un interpréteur actionnel. L'interpréteur actionnel est une mécanicité de type chérubinique, donc de type yin, qui permet à travers l'âme, l'atomisation, l'énergisation des structures atomiques qui constituent les neurones. Chaque fois que le corps vital augmente en vibration, il, selon l'endroit où le chérubin ou l'interpréteur rationnel est exprimé dans le cerveau, il augmente le potentiel énergétique d'une structure atomique. Augmentant le potentiel énergétique d'une structure atomique d'une partie très particulière du cerveau, il y a à un moment donné une espèce de stress à l'intérieur de la structure atomique, donc à l'intérieur d'un neurone. Et lorsque le stress à l'intérieur d'un neurone est tel et qu'il se dépolarise, c'est-à-dire qu'il engendre une mécanique biochimique neuronique, une dépolarisation, il engendre donc une expression matérielle, et celle-ci de dépolarisation en dépolarisation pour engendrer une parole, un acte, un grattement de nez, un pet, quelque chose. Bon. Lorsqu'il y a une commotion cérébrale, il y a une région du cerveau qui n'a plus la faculté d'être dépolarisée par l'interpréteur rationnel qui normalement y est localisé. Ou qui se dépolarise d'une façon inajustée. Alors nécessairement, l'individu aura des actions, des réactions qui ne seront pas coutumières, qui ne seront pas naturelles chez lui. Et il se peut aussi qu'une partie de son ego, qui ne s'exprime pas normalement, prenne le dessus. Parce que l'expression par le corps de l'homme, de la femme, est totalement en demande. Il y a une guerre totale à l'intérieur de la structure conceptuelle de la psychologie de l'homme pour s'exprimer. Alors il y a une lutte à l'intérieur qui est une lutte de pression. Le plus pesant s'exprime, c'est vous. Mais là, on vous donne une claque en plein visage et il y a quelque chose qui maintenant est suffisamment énergisé qui vient s'exprimer. Ça peut être la colère, ça peut être la honte, ça peut être la gêne, ça peut être la médiocrité. Lorsqu'il y a un traumatisme cérébral, une commotion cérébrale, eh bien, si la partie la plus pesante ne peut pas s'exprimer, parce que là, la région où elle s'exprime est présentement hors service, il y a une grève, eh bien, les parties qui ont de la difficulté à s'exprimer parce qu'elles sont toujours écrasées, oppressées par ce que vous pensez être, s'exprime, peut arriver là à s'exprimer, et donc c'est ça qui est ce qui. Dans de très rares cas, il y aura une ingérence extérieure du point de vue de l'astral, et l'individu peut, après sa commotion cérébrale, être totalement changé, parce qu'elle a été possédée, du point de vue astral, on est toujours totalement possédé, et ça l'aura manipulé suffisamment à la personne pendant son coma ou sa commotion cérébrale, pour laisser des traces de l'expérience suffisamment dans l'âme pour que l'individu finissent par se prendre aussi pour cette expérience, donc il a changé. Étant attiré par son antenne, si je parviens à un état avancé de conscientisation à ma mort, vais-je me fusionner en toi ou je serai individuel et je serai qui je suis? Ah, c'est une grosse question. Ouais. Kathleen, thank you. Donc, un individu qui passe par ce que je dis, et qui meurt à un moment donné, et se fusionne à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, lorsque l'être humain meurt, il va dans le monde de la mort, ce que les religions le disent. Les religions disent aussi que lorsque l'homme va dans le monde de la mort, il rejoint ceux qu'il a aimés pour l'éternité. C'est vrai. Dans le similaire, on apprend que vous les rejoignez pour l'éternité parce que vous allez vous fusionner à eux, c'est-à-dire que tous ceux qui se ressemblent se digèrent ensemble, donc ce qui était avant n'est plus. Et ce qui se réincarne est une réincarnation pluralitaire d'un paquet de mémoires digérées ensemble et fusionnées ensemble. Et c'est pourquoi, lorsqu'on revient au monde, on ne se rappelle pas qui on était. Maintenant, le double éthérique est constitué par l'anégoïsation d'un humain. Si l'humain s'anégoïse, il crée dans le monde de Moronciel une copie conforme de ce que son intelligence peut exprimer dans le plan de la matière. Il y a 14 faisceaux, il y avait 14 faisceaux à l'origine, il y a d'autres faisceaux qui s'immiscent présentement à l'échelle de l'évolution de notre monde, mais disons que, à part le faisceau nazaréen qui a été résorbé, il reste 13 faisceaux, dont un nazaréen. Le nazaréen, lorsqu'il a rencontré 12 disciples, 12 apôtres, il a simplement appris n'importe qui était investi d'un faisceau différent. Maintenant, si moi je suis assujetti à un faisceau et que je crée un double éthérique plus puissant que d'autres personnes assujetties au même faisceau que moi, si ceux-ci meurent, leur énergie du double éthérique, est-ce qu'elle se fusionne au mien, m'aidant à moi, me servant à moi, ou s'il reste intégré, intégral, individuel, pour pouvoir poursuivre? Une chose certaine, c'est que l'ego le veuille ou pas, il y a énormément de digestion, ce que les religions disent, retrouver la source. Lorsque l'être humain évolue, il évolue. Alors que vos corps physiques, finalement, servent à créer un autre corps physique, l'ego ne veut pas. L'ego est d'accord. Dans le séminaire, les séminaristes sont d'accord pour dire « Moi, je n'ai rien contre qu'on se réincarne avec une gang, à condition que c'est moi qui dirige. » Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans cette multidimensionnalité des mondes parallèles exprimés dans notre conscience, c'est que tous les égos qui se réincarnent dirigent. Mais tous les égos ne le savent pas en même temps. Alors qu'il y ait une fusion avec mon dôme éthérique ou qu'il y ait une fusion avec d'autres dômes éthériques, ça ne change rien. Parce que chaque être humain restera individuel, même s'il sera pluriconstitué. Difficile à comprendre dans le début pour une conscience astrale, mais c'est ce qui arrive. Alors il n'y a pas de problème, on pourra être toutes les mêmes dans un automobile, et quand je veux tourner à gauche, on tourne à gauche. Quand on veut tourner à droite, on tourne à droite. Puis quand l'autre veut reculer, il recule. Puis quand on veut avancer, on avance. Mais on a le même char. Puis il n'y a personne qui me dérange. Pourquoi? Ben, quand je tourne à gauche, ça tourne à gauche. Et quand on a une vision très linéaire du monde, on ne peut pas comprendre. Mais à un moment donné, l'être humain finit par avoir une conscience beaucoup plus dimensionnée que seulement avec une vision quadridimensionnelle. Dimensionnelle. Et ça se comprend. Donc, à cette question, oui ou non, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, ce qui va arriver aussi. Ouais, c'était la deuxième question. Ouais. Veux, veux pas, s'il faut que je sois un initié, je n'ai plus rien. C'est ça. Plus rien. Si vous êtes dû pour être heureux et libéré des conneries, que vous le vouliez ou pas, ça peut arriver. L'humain n'échappe pas. Quelle est la relation entre l'ego, le double éthérique et l'intuition? Entre l'ego, le double éthérique et l'intuition. L'ego veut s'approprier l'intuition. L'intuition peut provenir d'une mécanicité astrale qui, au travers le canal réincarnationnel, qui est paramétré par notre prénom de baptême, notre baptême de prénom, je m'oublie, bon. L'ego reçoit de l'information par le canal réincarnationnel. Il reçoit de l'information par ses sens, l'influence des autres. Il reçoit de l'information aussi par les sens vitaliques, son corps vital, et il décolle tout ça. Le double éthérique est ce que l'ego n'est plus dans le plan morontiel, et lui reçoit de l'information directement d'un phénomène supramental. Au-delà du monde de la mort, il y a le plan mental. Au-delà du plan mental, le planétaire, il y a le plan supramental, qui est de l'intelligence qui n'appartient pas à notre planète. Donc, ce n'est pas de l'intelligence rayonnée par l'homme. C'est de l'intelligence qui constitue l'homme. Elle n'est pas rayonnée par l'homme. L'homme ne l'engendre pas dans le contexte de son expérience planétaire. Alors, le double éthérique est donc un phénomène qui peut amener dans le corps physique de l'homme quelque chose qui, pour l'ego, ressemble aussi à l'intuition. Lorsqu'il y a de l'ego, lorsqu'il y a le double éthérique, lorsqu'il y a de l'intuition, il y a de l'intuition égoïsée, de l'intuition astralisée, de l'intuition désirionnelle, il y a de l'intuition amique, de l'intuition émotive, et par le double éthérique, il y a de l'intuition intelligente. C'est nécessairement l'ego, lui, qui expérimente et qui est de la mémoire, et bien il s'arrange pour recopier continuellement le codage de l'intelligence supramentale. L'intuition, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Par rapport à l'humain qui n'a pas trop de conscience, c'est fondamental dans la gestion ascendante d'un véhicule biologique, donc c'est extrêmement utile dans l'évolution de l'illusion de l'évolution spirituelle de la conscience de l'homme à travers de l'homme. Donc c'est l'intuition, c'est un leurre majeur qui fait en sorte que lorsque ton ego devient suffisamment volumineux pour refuser ce que les autres te disent, alors, le plan de la manipulation, de l'involution-évolution, se sert non plus des autres maintenant, mais se sert de ta suprême orgueil pour te communiquer ce que, normalement, tu aurais dû accomplir à partir des autres, d'un prêtre, de quelqu'un d'autre, et qui te fait avoir totalement. L'ego grossit à ce point qu'il devient une centrale d'énergie qui permet de stabiliser la descente d'énergie supramentale, non pas dans la matière physique, non pas dans la matière vitale, mais dans la matière astrale qui est l'ego. Et plus l'être humain vit à travers l'histoire, plus l'être humain vit de millions d'années d'évolution ascendante de son corps physique, pendant qu'il vit une évolution descendante de son corps astral, donc de son âme, de sa psychologie, plus l'être humain vit cela, plus son ego grossit du point de vue de l'expérience, donc plus l'homme finit par se prendre au sérieux, plus l'homme finit par avoir un désassouplissement des archétypes primaux, des formes de religion polythéiste, à un moment donné même monothéiste, et lentement cet ego finit par vouloir prendre le monde en main. Prenant le monde en main, étant donné qu'il est exclusivement mémoriel, il refait les erreurs du passé, donc il se casse la gueule, l'histoire se répète, Et à travers cela, l'ego finit par avoir suffisamment d'énergie pour, dans son dans sa désillusion évolutive, engendrer le phénomène mental qui amène la logistique à l'intérieur de la conscience de l'homme, qui lui amène donc l'idée de l'écologie, l'idée de la conséquentialité, l'idée de ce qu'il commence à appeler l'intelligence. Et maintenant, le mental, qui est la seule forme d'énergie qui est capable de travailler l'expérience de l'homme, les mémoires de l'âme, sans être manipulé par les mémoires émotives attachées aux mémoires événementielles dans l'âme, le mental commence à être plus efficace et son efficacité le désassujettit lentement de l'âme. Alors l'humain est maintenant pris avec un mental et un ego, donc de l'émotion, des désirs, des peurs, etc. et quelque chose qui lui dit tout le temps, mais voyons donc, calme-toi un peu. Et lentement, cela est suffisamment vibratoire pour maintenant recevoir le plan supramental qui était stocké au niveau de l'ego, de l'âme, donc de l'âme, et il le reçoit de façon maintenant à commencer, il le stabilise là. Le stabilisant là, maintenant, le mental, ajusté par un ajusteur de pensée, va par un rectificateur de pensée commencer à taper dans l'ego, et c'est là que l'humain va voir sa vision changer les choses, et il aura des chocs. Il va faire des découvertes. Oui, mais j'en ai juste la merde, il va pas trouver, il va faire des découvertes. Et lentement, il y a des brisures dans l'ego, ces brisures-là, c'est de l'énergie, qui va être envoyé dans le plan morontiel pour recréer le double éthérique, qui à un moment donné sera une forme de troisième cerveau de l'homme. Il y aura un corps physique avec un hémisphère droit et gauche, un cartésien et un intuitif, donc un émotif et un cartésien et un logistique, et il y aura un phénomène plus supramentalisé, plus ajusté du point de vue de l'intelligence, plus instantané, qui va donner à cette correspondance planétaire de l'information plutôt cosmique, et qui va désassujettir totalement l'humain de toute la mécanicité évolutive qu'il a connue depuis des millions d'années à travers le ciel, le monde de la mort, les archétypes, etc. Et je vais s'éternuer. Chaque fois que je dis ça, ça marche pas, j'éternue pas. Je vais commencer la phrase. Bon, une minute. Parce que dans l'Antiquité, on faisait comme ça. Mais moi, j'ai un gueule. Si, à ce moment-là, vu qu'on constitue le double éthérique à partir de l'ego, si l'ego est plus fort, plus difficile, par contre, à négocier, est-ce que le double éthérique sera plus complet? Plus l'ego est puissant chez l'humain, plus sa souffrance, ses désirs, etc. deviennent puissants, et c'est pourquoi le contexte de luxe finit par atténuer cela un peu, mais prend un humain de notre société, puis envoie-le dans un camp au Bangladesh, quand son ego a été assez puissant, il va le mettre à vivre le bol, là. Alors, plus l'ego est puissant, plus il y a d'énergie dedans. Plus il y a d'énergie dedans, plus rapide se fera la création du double éthérique, mais bien souvent plus souffrant se fera la transition. Mais un petit ego n'a pas de système mental. Alors il y a celui qui n'a pas beaucoup d'ego, qui donne une tête en plein visage et puis il ne s'en rend pas trop compte. Mais il n'y a pas de mental, il n'y a pas de logifération. Il finira par, à travers les claques que la vie va lui donner, par avoir un ego suffisamment grandiose pour finir par se mettre en colère. Et on a vu dans une conférence que la colère la menait à l'écœurement, que l'écœurement de l'écœurement était la friction entre la mémoire de l'ego et le contact supramental. C'est donc l'intelligence qui vient s'ingérer à travers la mémoire de l'inintelligence, donc de l'expérience, et ça amenait l'écœurement de l'écœurement. Et donc, celui qui a un gros ego, et la majorité des humains qui sont en forme de conscientisation ont suffisamment un gros ego, mais en même temps qu'ils ont développé un plan mental, ils ont un mental qui est capable de contrôler suffisamment leur gros ego. Mais si t'es en colère, ils font des bonnes colères. Ils sont fatigués, ah ben là, ça marche. Ils sont assez impatients. Mais normalement, le mental est capable de contrôler leur gros ego. Et le gros ego, c'est ce qui va servir d'énergie pour créer le double éthérique, qui va permettre à l'être humain, lorsque le corps physique va disparaître, qu'il disparaisse, de ne pas gagner le monde de la mort pour se digérer dans le monde de la mort, et de gagner le double éthérique, donc il devient immortel, c'est-à-dire qu'il meurt peut-être du corps physique, mais il ne meurt pas de la mort astrale, il ne gagne pas le monde de la mort. Donc l'ego est la matière première qui va former le double éthérique, qui lui va vouloir démolir l'ego. Ben, c'est-à-dire que le double éthérique devient une partie plus réchauffée, et il va chercher l'énergie dans la base planétaire, l'énergie supramentale n'est pas suffisamment terrestrifiée, ajustée à la conscience matérielle ou atomique, comme l'homme, que l'énergie supramentale passe par un phénomène de densification, de terrestrification, d'égoïsation, et ce phénomène finit par engendrer une matière plus malléabilisable pour engendrer proche de la planète Terre un corps de lumière, bon, un corps éthérique, un double éthérique, qui qui pourra par la suite servir et à l'intelligence mentale et à la matière atomique, donc au phénomène de la planète. Alors, c'est pourquoi ça fera quelques années, comme ça. Bon. Après, une autre question. L'ajusteur d'intuition. On a parlé de l'ajusteur de pensée, du rectificateur de pensée. Est-ce qu'il existe un ajusteur d'intuition et un rectificateur d'intuition? Il existe un rectificateur-ajusteur d'intuition qui s'appelle le doute. Vous savez que développer le doute chez l'humain, c'est pas une petite bagatelle. On peut douter d'une chose, mais douter du doute et douter de tout, ça c'est un rectificateur d'intuition. Douter de Dieu, hein? La foi aveugle, elle dit, pour les aveugles. Bon. Douter de tout, ça ne veut pas dire renier. C'est important. Bien souvent, lorsque l'ego entend parler du doute, ça veut dire renier. Mais non, je doute de toi, je te renie pas. Mais je doute de mon doute. Donc il est libre. Alors, l'ajusteur d'intuition, c'est le doute. Il faut douter. Le doute du doute ou le doute? Le doute de tout, donc le doute du doute aussi. Tu doutes de la vie, tu doutes de la mort. Est-ce que le doute du doute est l'équivalent d'être écœuré, d'être écœuré? Non. Le doute du doute apparaît après. Il faut d'abord que tu sois écœuré. C'est vrai, j'ai ternu. Je l'ai eu! Bon! On est d'abord écœuré, ensuite écœuré d'être écœuré, ensuite on doute, puis ensuite on doute du doute. Quand on est écœuré d'être écœuré, on est rendu à la limite. Alors évidemment, on doute de tout. Sauf, il manque un doute, le doute du doute. Parce que celui qui est écœuré d'être écœuré peut se suicider, il peut se droguer, il peut éternuer. Bon. C'est ça. Faut que je monte la pratique. Donne des exemples concrets. Donnez-moi donc un mouchoir pour régler mon doute. Donc, le doute. Celui qui est totalement écœuré en arrive au doute. Celui qui doute, s'écœure. Celui qui s'écœure, doute. Douter de l'écœurement, il ne l'a pas encore parce qu'il ne doute pas du doute. Celui qui parvient à douter du doute ne se suicide pas, il ne se lance pas dans une religion, il ne se lance pas pour acheter des lunettes. Il s'assoit sur sa chaise, et il attend qu'on lui amène. Bon. Voilà. Je sais pas le qui. Bon. Ton égo, tu te mouches en public? Rarement. C'est bien non plus de mouches en public, moi, c'est mon corps. Bon. Alors, voilà. C'est l'histoire de l'intuition. Savez-vous qu'est-ce que ça donne de vivre avec un doute du doute? C'est plaisant, c'est comique, c'est riant, c'est énergisant, c'est formidable, c'est fantastique. Ben, c'est plus que ça, parce que les mots, c'est des mots donnés par l'espoir de l'ego, ça là. C'est plus que ça. Mais douter, génial. Mais il faut que l'humain puisse porter son doute, ça veut dire que l'humain doit douter de l'ego, de douter de sa pensée, de douter. L'étape entre le moment où tu doutes du doute et puis la... Non, pas le doute du doute. Le moment où tu es écœuré, tu penses à te suicider, après ça, tu doutes. Entre... Tu ne penses pas à te suicider, évidemment. On quelque... vient suggérer de te suicider. Bon. Mais comment les... Qu'est-ce qui se passe mécaniquement pour faire que ça disparaît, le goût du suicide, pour ensuite arriver à l'autre étape? Premièrement, il y a des êtres humains qui sont amenés au suicide exclusivement pour faire sécréter les autres. Ça nourrit le monde de la mort. Maintenant, l'humain qui est assujetti de l'intelligence et qui voit lentement son ego se faire anégoïser, il y a un domaine qui commence à être constitué, là, lentement, l'ego vit juste de la désillusion. Tout ce qui marchait marche de moins en moins. Ce n'est pas l'ego qui dirige. C'est ça, l'ego va l'apprendre. Autrement dit, l'homme habituel va finir par apprendre que ce n'est pas lui qui dirige. C'est très anégoïque. Lentement, à force de fractionner dans l'ego ici, il y a, de la part de l'ego, un feu intérieur qui commence à apparaître, qui est un écœurement total, c'est-à-dire que l'ego a une seule idée, il se rend compte qu'il est en train de se faire démolir, Il ne sait pas pourquoi, alors il peut penser à retourner dans le monde de la mort pour être sauvé. C'est le suicide. Mais si le mental est suffisamment puissant et qu'il y a un ajusteur de pensée suffisamment connecté, notre petit ego ici sera écœuré, s'écœurera d'être écœuré, et lentement on va lui dire, oui, mais tu es écœuré parce que tout ce que tu as pensé, c'est faux. Oui, mais ça veut dire oui. Et lentement, il ne pourra pas se suicider parce que chaque fois qu'il va vouloir se suicider, l'ajusteur, le rectificateur va venir le contrôler et il va prendre son couteau, il va vouloir voir leur venir le métro et il va douter même de la mort. Je me suicide pour aller dans un monde peut-être pire. Alors finalement, il va regarder les métros passer et il va meugler. Il ne se suicidera pas. Et lentement, il finit par retrouver le plaisir de la vie. Il se rend compte qu'il était dans un mensonge cosmique, dans une farce extra-monumentale, et que tout ce qu'il croyait qu'il y avait de l'importance, non.